Premier livre de Samuel, chapitre 16. Et l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand mèneras-tu deuil sur Saül, vu que je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël ? Emplis ta corne d'huile, et viens, je t'enverrai vers Isaï Bethléemite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour roi. » Et Samuel dit, « Comment irai-je, car Saül l'ayant appris me tuera ?» Et l'Éternel répondit, « Tu emmèneras avec toi une jeune vache du troupeau, et tu diras, « Je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. » Et tu inviteras Isaï au sacrifice, et là je te ferai savoir ce que tu auras à faire, et tu moindras celui que je te dirai. » Samuel donc fit comme l'Éternel lui avait dit, et vint à Bethléem, et les anciens de la ville tout effrayés accoururent au-devant de lui, et dirent, « Ne viens-tu que pour notre bien ?» Et il répondit, « Je ne viens que pour votre bien, je suis venu pour sacrifier à l'Éternel, sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. » Il fit sanctifier aussi Isaï et ses fils, et les invita au sacrifice. Et il arriva que comme ils entraient, ayant vu Eliab, il dit, « Certes loin de l'Éternel est devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté, parce que l'Éternel n'a point égard à sa quoi l'homme a égard, car l'homme a égard à ce qui est devant les yeux, mais l'Éternel a égard au cœur. » Puis Isaïe appela Abinadab, et le fit passer devant Samuel, lequel dit, « L'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. » Et Isaïe fit passer Sama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. » Ainsi Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a point choisi ceci. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont seuls à tous tes enfants ?» Et il dit, « Il reste encore le plus petit, mais voici, il paie les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous mettrons point à table jusqu'à ce qu'il soit venu ici. » Il envoya donc, et le fit venir. Or il était blond, de bonne mine, et beau de visage. Et l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, et oins-le, car c'est celui que j'ai choisi. » Alors Samuel prit la corne d'huile, éloignée au milieu de ses frères, et depuis ce jour-là l'Esprit de l'Éternel saisit David. Et Samuel se leva, et s'en alla à Rama. Et l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et le malin esprit envoyé par l'Éternel le troublait. Et les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici maintenant, le malin esprit envoyé de Dieu te trouble. Que le roi notre Seigneur dise à ses serviteurs qui sont devant toi, qu'il cherche un homme qui sache jouer du violon, et quand le malin esprit envoyé de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu en seras soulagé. » Saül donc dit à ses serviteurs, « Je vous prie, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer des instruments, et amenez-le moi. » Et l'un de ses serviteurs répondit, et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaï Bethléemite qui sait jouer des instruments, et qui est fort, vaillant, et guerrier, qui parle bien, bel homme, et l'Éternel est avec lui. » Alors Saül envoya des messagers à Isaï, pour lui dire, « Envoie-moi David ton fils, qui est avec les brebis. » Et Isaï prit un âne chargé de pain, et un baril de vin, et un chevreau de lait, et les envoya par David son fils, à Saül. Et David vint vers Saül, et se présenta devant lui, et Saül l'aima fort, et il lui servit à porter ses armes. Et Saül envoya dire à Isaï, « Je te prie que David demeure à mon service, car il a trouvé grâce devant moi. » Il arrivait donc que quand le malin esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait le violon, et en jouait de sa main, et Saül en était soulagé, et s'en trouvait bien, parce que le malin esprit se retirait de lui.